et des pattes de ce Patrice Guéry, j'ai intérêt à allonger la distance entre eux et moi. La prudence m'incite à ne plus rien laisser au hasard. Mes ressources sont plutôt minces. Voyons. Une cinquantaine de balles que cette saloperie Dragdal a eu la délicatesse de ne pas me soutirer. Et 100 balles royalement gagnées au poker sur le grand Tommy. C'est pas gras. Pas question de casquer pour le chemin de fer. Je retournerai à Pantruche, mais pas à mes frais. En attendant, je vais tâcher de me dégoter un turbin par ici. Et Monsieur Chabanet commença par visiter les maisons. Le contraire aurait été étonnant. Monsieur de l'Excelsior, en déplacement, les gens vont toujours voir les endroits qui sont du ressort de leur profession. Les Marlots, eux, vont droit au claque. Mais ils ne montent jamais. On se respecte. On n'est pas des michés. J'entreprends cette tournée des bordels du Havre avec les idées les plus sérieuses du monde. Peut-être bien que je mettrai la main sur une deuxième Madame Chabanet. Une chouette patronne cossue. Yahoo! Oh, qu'il est beau! I'm so glad, I'm so glad, I'm so glad I've been on a break because again. I'm so glad, I'm so glad, I'm so glad, I'm so glad I've been on a break. Et c'est plus grave. Grand escoglyphe, il fait plus de 2 mètres. Il est noir comme un diable. Son fils a un peu son chapeau de forme, son falzar noir et sa redingote rouge. Et tout ce qu'il y avait sur les quais et dans les rues chaudes du Havre, de voyous, purées, pierreuses, mectons et rôdeurs de toutes sortes, déambula derrière ce géant d'ébène qui faisait un pétard du diable. Un cyclone s'engouffra au panier fleuri alors que M. Chabanet s'y présentait. Ce cochon de Tommy, qu'est-ce qu'il fait ici? Oh là là, j'ai l'impression qu'il y a des flics. C'est pas le moment de me faire remarquer. M. Chabanet, l'homme tombé du ciel. Merde, il m'a vu. Laissez-moi passer! Laissez-moi passer, nom de Dieu! Vous voyez bien qu'il va m'écraser! Mais on va l'attraper avec ses grandes pattes! Mais non! Il a sauté par-dessus tout le monde sans véritable cravate! Attends, c'est pas le casser, le pauvre petit! Bonne gueule, les flics! C'est la rente! En effet, les flics avaient organisé une rafle aussi monumentale que la bordée que venait de tirer Tommy. Le géant noir et son fardeau y échappèrent de justesse. Et dans un grand éclat de rire, Tommy déposa son colis tel un sac de marin. Ah ben vrai, vous tenez encore plus serré que les connes, Tommy, mais vous me faites mal! Du calme, Tommy, il est 3h du matin. Okay. Monsieur Patrice, vous n'avez pas de parole, hein, sauf votre respect. Comment? Vous me laissez jouer la fille de l'air et vous me lancez votre gratteur de cordes aux trousses. Avez-vous quelques ressources? Oh, aucune. Puis je ne sais pas trop quoi faire. Voulez-vous entrer à mon service? Vous serez bien payé. Ah, là, j'entrave chouettos. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous connaissez bien les bas-fonds de Paris? Je veux. Je suis, comme qui dirait, né dans la rue. D'ailleurs, Bruant le chante. Moi, je ne sais pas si je suis de Grenelle, de Montmartre ou de la Chapelle, d'ici d'ailleurs ou de là-bas. Mais je sais bien que la foule a couru, un matin m'a trouvé sur le tas. Dans la rue, il y a bien des chances pour que mon père, il ait jamais connu ma mère, qu'a jamais connu son daron. son daron qui doit l'avoir eu un soir de noces qu'il était rond dans la rue, dans la rue. Je n'ai jamais connu d'autre famille que la petite marmaille qui fourmille. Aussi quand je m'ai marié, je m'ai mis avec une petite grue qui truquait le soir à dada dans la rue, dans la rue. C'est ça que c'était ben mon affaire, mais un beau soir ça fait faire, les mœurs l'ont fourré au ballon. Et depuis qu'elle est disparue, je sors à la paire et je fais ballon dans la rue, dans la rue. À présent où vous voulez que j'aille, vous voudriez dire que je travaille, je pourrais pas, j'ai jamais appris. Va falloir que je vole ou que je tue, hardi joyeux, pas vu, pas pris, dans la rue, dans la rue. Et puis merde, et vive les aminges, vive les escarpes et vive les gringes, un jour faudra que je passe aussi devant la foule encore accourue pour voir ma gueule en raccourci dans la rue, dans la rue. Ouais, monsieur, j'y suis né et j'y ai vécu avant d'aller en Amérique. Des parents, même adoptifs, j'en ai jamais eu. Enfant perdu que personne ne s'est donné la peine de trouver. J'ai grandi dans leur ruisseau, un peu partout. Tif un pauvre clébard errant. D'abord, je gagnais quelques sous avec les forains. Cette vie-là, ça m'allait. J'étais leste, agile, j'aimais faire des cabrioles, des sauts périlleux, grimper au trapèze. Et me voilà acrobate. J'aimais le métier. Mais les gonzesses, ça vous perd. Oh, si j'avais pas connu Marie Chabanet. Je l'ai grinchie, d'accord. Mais elle, c'est ma belle jeunesse, ma force, mon art, ma liberté qu'elle me prenait, la vieille, la sale taupe. Et pour tout ça, ce que je lui ai évaporé, ben, elle me le devait bien. Mon Dieu, pourvu que Rose aimée, notre innocente enfant, ne soit pas devenue une enfant perdue. Vendue, peut-être, comme tant d'autres. Perdue, semblable à ce Chabanet, perdue au milieu des ténèbres, morale, dans cet enfer de la misère et du vide. Mon Dieu, faites que nous la retrouvions, mais telle que nous la souhaitons, Adrienne et moi. Peut-être avez-vous sombré, mon ami, faute d'une main secourable. Mais l'heure n'est pas aux graves et profondes réflexions. C'est bien convenu, je vous donne 1 000 francs par mois, plus vos frais payés, sans parler des gratifications et d'une grosse prime si vous réussissez. Ça me va. Et qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Regardez cette photographie. Reconnaissez-vous? Ragdal! Mon voleur de New York! Pour sûr, la vache! La photographie est ancienne, mais il a guère changé. Vous allez m'aider à mettre la main dessus. Top là, patron! Je suis votre homme! Connaissez-vous son vrai nom? Personne ne le sait. Ce que je sais, par contre, c'est qu'il est marié à tout ce qu'il y a de plus officiel avec femme et enfant. Moi, à mon avis, étant donné le truc qu'il fait, l'endroit où nous le trouverions s'il était à Paris, ce qui est impossible, mais il pourrait bien ne pas tarder. Enfin, dans tous les cas, nous aurons de ses nouvelles. C'est au café de la Remonte. Comment, cet homme qui se livre à un aussi vil métier que celui de la traite des Blanches est le client d'un café fréquenté certainement par des militaires. Non, ça vous y est pas, my lord. Non, nous l'appelons, enfin je veux dire, on l'appelle la Remonte. C'est pas à cause de la cavalerie. La Remonte, pour les cavaliers, consiste à se renouveler en chevaux. Oui, dans ce café, on se remonte en petite femme pour les maisons de tolérance de province ou de l'étranger. Voilà, quoi, c'est écœurant. Nous partons donc tout de suite pour Paris. Vous partagerez un compartiment avec ce brave Tommy. Hein? Ne le regardez pas de travers. Vous finirez par très bien vous entendre. Oh yeah! Thank you. poker, Tommy? Ouh non, Monsieur Patrice m'a renfloué à condition que je n'y joue plus. Alors je vais t'apprendre un truc plus chouette. Ah oui? Le bonneteau. Tiens, voilà. Voilà trois cartes. Hein? L'as et deux dames. Bon. Alors regarde bien. Hop, hop, hop, hop. Où est l'as? Eh ben, il est là au milieu. Ah, t'as gagné, bamboulin. Eh ben, tu vois rien de plus, hein? Un franc le coup, c'est pas cher. Tiens. Oh. Ouais. La fin du faubourg Montmartre, au carrefour Châteaudun. Comme qui dirait, le bas Montmartre. En face, dans le recoin, le café de la remonte. Oui, c'est marqué café de l'univers. Je te raconte tout ça, tu y entraves que dalle. Mais non, écoute, cesse de faire la gueule. Monsieur Patrice ne sera pas content quand il saura que j'ai tout perdu au bonneteau. Voilà. Et c'est pire que le poker, ça. Un franc, mais... J'ai une idée. Je pourrais jouer de la musique dans ton café de la remonte. Pourquoi pas? Le patron est un bon zig, en dépit des apparences. Ragdal s'y pointera un jour ou l'autre. Aujourd'hui, on prend simplement des nouvelles. Hein? Comme dit Monsieur Jean Robin, en prenant les devants, on prend des précautions. Ouais. Bonjour, patron. Monsieur Chabanet, c'est alors. Et les affaires, ça va là-bas, dans votre patelin du tonnerre de Dieu, en Amérique, je crois? Hey. Il y a une tuerie qu'on s'est vue, pas vrai? Ah. Que faut-il servir à ces messieurs? Ce jeune homme brun est avec vous? Oui, c'est comme qui dirait mon secrétaire. Un dos vert clair. En cas de grabuge, vous appréciez la taille. Hein? Je prendrai un mélécaf. Lui aussi, il sait pas ce que c'est, mais ça lui apprendra. Les boissons, en effet, ça dépayse. Vous êtes venu pour ce que je pense? Oui et non. Un peu pour affaire, beaucoup pour revoir les vieux amanches, respirer l'air du pays natal. Le mal du pays, je vois, ça se commande pas. Pourtant, vous en ramassez du pèse. Je le sais par un voyageur de la partie. Ah oui? Quel voyageur? Mais qui voulez-vous que ce soit? L'homme universel. Celui qui un jour ici, faubourg Montmartre, qui le lendemain prend son absinthe à Monaco, ou au Café Royal à Londres, avant de s'embarquer pour New York ou Saint-Pétersbourg, et qu'on rencontre au Caire, Vienne ou Berlin. Un génie, monsieur. Un vrai génie. Dans tous les fourbis, dans tous les trucs, toutes les trouvailles. Le Napoléon du trucage. Ragdal, enfin. Ouais, je l'ai vu à New York. Au moment de mon départ. On l'attendait à Pantruche vers la fin du mois. Il se portait bien? Oh, comme vous et moi. Quelle belle santé. Superbe. Justement, de vous à moi, il m'a chargé d'une petite enveloppe pour sa Marida. En avant-garde, quoi. Oh merde, j'ai oublié son nom. Duchemin. C'est Denis Duchemin. Ah, toujours rue des Martyrs? Juste, au 10. Salut, patron. Salut. Monsieur Chabanet, vous connaissez l'espagnol de Montmartre? Sûr, j'en ai entendu parler. J'attends un colis. Genre offre et demande d'emploi. Une pocheté, alors. Ah, c'est parfois du rail avec ce gibier-là, mais elles finissent toujours par entraver. Hein. Ah, si c'est trop long à mettre sur le tas, c'est la beigne. Même les plus crâneuses, une fois au bahut, ça turbine comme de vraies petites ouvrières. La poigne, nom de Dieu, y a que ça. Et où faudra vous l'envoyer, le paquet? Au fond. Et une anise en attendant. Voilà. Le beau Gustave, l'Espagnol de Montmartre, la terreur de la butte. Un peu un cavale. Il n'a qu'à se baisser pour les ramasser, les gigolettes. Mais trop banal pour son blase. Il recherche l'inédit. Un sadique, quoi, comme on dit aujourd'hui. À mon époque, on disait un dégueulasse. L'Espagnol, il s'attaque de préférence aux femmes et filles honnêtes, qui fait tomber au moyen de petites annonces, avec la complicité de la tôlière d'un hôtel de la rue Durantin. Chez elle, il se passe d'étranges choses. L'autre fois, on a trouvé sur son trottoir une gonzesse avec la tête fracassée, morte, en arrivant à la Riboisière. On a conclu au suicide par jalousie pour le bel Espagnol. Pas plus Espagnol que toi et moi. T'as reluqué sans rien. Même à moi, il me fout les grelots. Mademoiselle, cherchez quelqu'un ? Je vous demande pardon, on m'a écrit pour me fixer un rendez-vous dans ce café. La personne en question vous attend au fond. Monsieur Gustave, cette demoiselle vous demande. Merci, patron. Approchez-vous, mademoiselle. Asseyez-vous. Vous êtes là, sur la banquette. Un vitel casse pour mademoiselle. J'ai lu votre annonce. On demande pour être gouvernant dans une grande famille russe, française de 25 ans environ. Bonne tenue, physique agréable. Écrire avec photographie aux initiales JMC, poste restante, bureau 68. Je vous ai répondu et vous voilà. Et vous avez bien fait. Vous ne le regretterez pas. Votre déplacement est payé et là-bas, vous ferez de fructueuses affaires. Mais peut-être devrions-nous nous rendre à mon bureau, rue Durantin. Bon, eh ben, salut patron. À la revoyure, hein. Oui. Ah, ou plutôt à demain, puisque m'en voilà par Hugo. Hein? Allez, viens, Tommy. Voilà qui pose des questions en présence, monsieur Chabonnet. Du chemin. Je t'en foutrais, les du chemin. Comme si quelqu'un entravait le vrai blase de Ragdal. Monsieur Ragdal, il ferait bien d'ouvrir un œil à son retour. Travaille pour un quidam, Chabonnet. Ou serait-il devenu lui aussi casserole de la grande maison? Oui, moi je te le dis, ma pauvre Alice, tu nous cours avec ton rouquin. Il est plus chouette que le beau Narcisse, mais n'empêche que c'est un coquin. Qui fait ses petites vacheries en douce, comme ça, sans avoir l'air de rien. Puisque je te le dis, moi, je le sais bien, il est des rails, il est de la rousse. C'est lui qui a fait poisser Hortense, la femme à coco lérissé. Ouais, ouais, tu fais de la rousse pétance, mais aujourd'hui, tout le monde le sait. On sait qu'il n'a pas de scrupules. On sait qu'il marche avec les mœurs et qu'il est des indicateurs de la brigade à Monsieur Jules. Aussi vois-tu ma pauvre Alice, malgré qu'il soit joli garçon, puisque ton homme est de la police, il faut le plaquer comme un chausson, qu'il aille au bain, qu'il aille à Dash, qu'il aille se planquer où qui voudra. Tu peux plus t'appuyer ce gonce-là. C'est pas un garçon, c'est une vache. Thank you. C'était Les Bas-fonds de Paris par Jean-Jacques Stine. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 12e épisode. Avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand. Et Pierre Constant, Jean Robin, Pierre Delbon, Patrice Guéry, Manuel Dexet, Tommy Turnip, Claude Nicot, Monsieur Chabanet, Étienne Bierry, le patron, Jean-Paul Tamaris, l'espagnol, René Renaud, le journaliste. Avec la participation de Liliane Gaudet et Philippe Derez, Françoise Béliard, Anne Fabien, Edith Lauria, Jacques Maire, Patrice Keller, Vera Feder, Jean-Jacques Stine, Jean-Paul Racodon, Christine Verger. La rue Saint-Vincent par Francine Bouffard. Au piano, Roger Pouli. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Maurice Biard. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Ce 12e épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 15 septembre 1981. Tout de suite, voici le 13e épisode. À la vaisseau, sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Les Bas-fonds de Paris par Jean-Jacques Stine. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 13e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand. Et dans les principaux rôles, Dominique Paturel, Roger Mollien, Marianne Épin, Monique Thierry, Pierre Constant, Claude Nicot, Pierre Delbon, Manuel Dexaint et René Renault. Réalisation Claude Roland-Manuel. Lion Cavallo, n'y est pour rien. Eh, pourquoi tu rigoles, toi, la petite rouquine? Tu te reconnais? Alors, est-ce gourde? Ça te changera du gringalet qui paye ton godet. Moi, la mienne est née en voiture. C'est une espèce de Romanie, une belle gitane au teint bruni. Mais elle est paillasse de nature. Il faut qu'elle pagnotte en roulotte, comme quand elle était chez ses auteurs. Tous les ans, au printemps, à Srotte, à fout son camp chez les lutteurs. Chez les gros, les circulots de foire, les Marseille et les Bamboula. Vraiment, ça fait naquer du flas. Rien que d'en parler, j'en ai la foire. Je comprends qu'une bergère s'embéguine pour des artistes ou des dompteurs, et même des fois pour une coquine. Moi, la mienne, il faut des lutteurs. Et quand c'est la fête à Joinville, au parc, au trône, à Gentilly, et à Montmertre, et à Neuilly, et à Vincennes, et à Belleville, à peu plus démarrer des planches, à jeter le gant aux amateurs, à Guinche, en se tortillant ses hanches, sur le tremplin, avec les lutteurs. Elle me revient quand elle est vannée, à l'automne, après la saison. Puis elle se remet dans une maison où qu'elle pourrait faire toute l'année avec des michets ben honnêtes, des ministres et des sénateurs. Mais quand elle revient à l'époque des fêtes, faut qu'elle retourne avec des lutteurs. Alors, tu t'es reconnu, la routine? Et nous retournons au café de l'Armonte. Monsieur Ragdal, il ferait bien d'ouvrir un œil à son retour. Il ouvrait toujours l'œil, Ragdal. Et le bon. À New York, dès le départ du Star of Erin, le steamer de Patrice, il tirait déjà ses plans sur la comète. Les 800 000 balles de Marie Chabanais sont tout de même mieux dans mon gousset. Moi qui, ce matin, n'avais même pas de quoi payer mon déjeuner dans la plus infecte des gargotes de l'East End. Il s'agit surtout pas de m'endormir sur mes lauriers, ni de m'arrêter après ce triomphe pourtant bien joli. À ma place, beaucoup seraient pris par la velléité de finir tranquillement leur jour. Le métier présente trop d'aléas. Mourir pour mourir, on préfère à tout prendre claquer de la goutte dans son plumard que d'être raccourci un beau matin sur la place de la Roquette par le père Coupe-Toujours. Bon, affaire de goût. Moi, j'appartiens à l'aristocratie des Grinches. Et ma foi, noblesse oblige. Non, la seule chose à laquelle il me faut renoncer, momentanément, c'est au commerce en articles de Paris. On se fait toujours trop remarquer quand on exerce ouvertement la profession de commis-voyageur en fille d'amour. Voilà le moment de m'atteler à une affaire plus sérieuse. Pour moi, le milliardaire Jean Robin, le roi de la pierre, c'est surtout l'ancien amoureux d'Adrienne Bonnaire, l'homme qu'elle voulait épouser lorsque son banquier de père la maria au comte de Charmeuse. Le terrible secret de M. le comte va être sondé, fouillé à coups de millions. À moi de prendre les cartes en main. Je dispose même de l'atout maître. Je suis sûrement le seul à savoir que j'ai confié Rose Aimée, la fille d'Adrienne et de son fiancé Jean Robin, à Fifine Chopin. À condition qu'elle n'ait pas avalé son jeu entre deux litrons. Auparavant, il est de toute nécessité d'organiser mes funérailles. Je vais plaquer mon Garneau dans l'East End en y laissant mes quelques hardes et un mot en évidence, du genre « je mets fin à mes jours, poussé à bout par la misère, etc. etc. » Par la suite, on verra retrouver le corps avec du pognon. On peut tous payer, même un cadavre. De toute façon, les flics à Merloche se foutent de la disparition d'un ragdal. Ils n'y regarderont pas de si près. Une fois disparu, en quoi vais-je ressusciter? Je me débrouille pas trop mal en espagnol. Je vais creuser l'idée en tête à tête avec un gueuleton au Delmonico. S'il a pas bouloté son acte de naissance, je gage que ça doit être la dégringolade en plein. Bon. Il avait pas d'estomac, cet homme-là. Nous avons quitté l'indigne époux de la douce et charmante Adrienne, ce vivant dont l'honneur est mort, l'abominable comte de Charmeuse, au moment où il venait d'assassiner, au fortif du Pré-Saint-Gervais, une fillette, la fille de Julie Lapeste. Monsieur de l'Excelsior, le meurtre de l'innocente créature resta impuni. La police renonça devant ce crime au mobile inexplicable. À vrai dire, après son forfait, le comte n'avait pas fui. Il avait cheminé dans la nuit, sous la pluie. Il était allé ainsi jusqu'à Pantin. Le tramway l'avait ramené à Paris. Descendu au rond-point de la Villette, il était remonté sur les hauteurs de Belleville, par l'omnibus de Saint-Fargeau. Rentré chez lui, dans le modeste logement qu'il occupait depuis sa terrible chute morale, rappelez-vous les excuses faites à Jean Robin sur le terrain, il avait repris son existence normale avec les bribes de la fortune de sa femme. Un dimanche, il se promenait au but de Chaumont, perdu au milieu du populo, dans lequel il était sûr de ne pas rencontrer des gens de sa caste, pour lesquels il était devenu un paria. Monsieur le comte, vous ici ? Julie, vous, encore ? Je veux dire, quelle nouvelle coïncidence. Tiens, vous êtes seule. Monsieur le comte, si vous saviez, j'ai eu un grand malheur. Peut-être vous en avez entendu parler ? La petite fille étranglée au Pré-Saint-Gervais. Oh, ne me dites pas qu'il s'agissait d'elle. Hélas, monsieur le comte. Mais ce fut un allègement pour ma douleur de savoir qu'un homme riche, plein de bonté et de compassion, a assuré à cette malheureuse petite mignonne des obsèques de petite reine, avec des fleurs comme en ont les enfants des riches qu'on mène au tombeau de la famille, dans un cimetière chic. Tout Belleville y a assisté. Et qui était cet homme ? C'est que... il avait donné des ordres pour qu'on le sache pas. Vous le connaissez, monsieur Jean Robin. Il a fait acheter une concession à perpétuité au Père Lachaise. Un beau tombeau de marbre avec des couronnes de perles. J'y vais tous les jours. Enfin, presque. On ne peut pas s'occuper que d'arroser des fleurs. Les larmes commencent à se tarir, on ne peut pas pleurer toujours. La pitié des gens ne m'a pas constituée de rente. Je me suis mise à turbiner, honnêtement. Enfin, presque. Ainsi va la vie. On la passe point avec les morts, n'est-ce pas ? Je me garderai bien de vous reprocher quoi que ce soit. Je ne pensais pas, c'est idiot de ma part. Je ne la croyais pas réellement, votre fille. Mais si, monsieur le comte. Je l'ai tout ce qu'il y a de porté dans mon sein. 9 mois, comme tout le monde. Oui, mais le père, n'était-il pas... Ben oui, je vous ai dit que c'était Ragdal. Mais là, entre nous, j'en suis pas plus sûre que ça. Dans ce temps-là, j'étais pas sérieuse comme à présent. Je voyais aussi votre valet de chambre, et le garçon épicier d'en face, et celui qui venait remonter les pendules. Je me rappelle plus, il y a si longtemps, vous comprenez. Oh, ma pauvre petite môme. Je me sauve, monsieur le comte. Mon âme s'impatiente là-bas. Adieu, Julie. La petite était vraiment d'elle. Ainsi, j'ai tué une enfant quelconque sans raison. Ma soif de vengeance m'a fait perdre le sens de la réalité. Mais si la petite de Julie avait vraiment été Rose Aimée, je me privais sottement d'une source de revenus à perpète, puisque M. Jean Robin aime tellement les concessions à perpétuité. Mais il me faut retrouver Ragdal. Ah oui ? Mais comment ? et il redevint toujours le même flâneur solitaire, mais d'une grande politesse envers tout le monde. Il a l'air si distingué. Oh, bah là, son expression d'ennui et de tristesse empreinte sur son visage indique un homme qui a connu un grand malheur, tout de même, hein. Mais qui est-il? Un rentier miteux. Oh. Non, un proscrit politique. Oh, bah. Non, un homme déchu de l'antique splendeur de ceux de sa race. Ah, ça aussi. Et pourquoi pas un prince? Il s'appellerait pas Jules Blanchon. Mais c'est un nom d'emprunt. De mémoire de blanchisseuse à Belleville. J'ai pas vu de linge d'homme aussi rupin. Oh, tu l'as dit, Nini. À Belleville ou à Ménimuche, les gonces ne portent pas d'étiquettes brodées ou qu'on voit une cour. En ce temps-là, dans chaque famille, on blanchissait de mère en fille. Maintenant, on blanchit encore à la goutte d'or. À la goutte d'or. Elle était encore demoiselle, grand-maman la belle Isabelle, quand elle épousa le grand Nestor. À la goutte d'or, à la goutte d'or. Et maman Pauline était sage, le jour qu'elle se mit en ménage, avec papa le petit Victor. À la goutte d'or, à la goutte d'or. À cette époque-là, toutes les fillettes, les gosselines, les gigolettes, se mariaient avec leur trésor. À la goutte d'or, à la goutte d'or. À se contenter le jour de leurs noces, d'une petite toilette pas féroce, et d'une jeannette en 6 000 or. À la goutte d'or, à la goutte d'or. N'en fallait pas un mari pâle, mais un garçon de l'avoir un mâle, bien râblé, même un peu butable. À la goutte d'or, à la goutte d'or. Aujourd'hui, faut assez demoiselles, des machines avec des dentelles, et des vrais bijoux en vrai or. À la goutte d'or, à la goutte d'or. Leur faut des jeunes hommes en casquette, des rouquins cadets aux flaquettes, collés sur une tête d'arançard. À la goutte d'or, à la goutte d'or. Et voilà pourquoi toutes les fillettes, les gosselines, les gigolettes, se marient pas avec leur trésor. À la goutte d'or, à la goutte d'or. Oui, en somme, les gens du voisinage s'occupaient beaucoup du comte de Charmeuse, mais certes pas pour l'accuser des 7 péchés capitaux et d'un crime. Il y avait en effet, tout près de l'endroit où habitait le comte, une tapée de femmes et des girondes, plus intriguées à son sujet que les autres, les blanchisseuses. De fort honnêtes filles, assurément, et qui n'auraient pas fait tort d'un mouchoir à un client. Mais la petite formalité du mariage leur était inconnue. Il y avait pourtant des gosses qui traînaient dans tous les coins, gueulards, piaillards, mal mouchés, mal torchés, avec de bonnes grosses balles roses, joufflues, fraîches, pleines de santé. Et, suivant un usage plein de délicatesse et de tact, on appelait madame celle qui avait des gosses ou qui vivait en ménage, et mademoiselle les censées encore inédites. Il y avait parmi elles une grande belle blonde, du nom d'Eugénie, surnommée familièrement Nini, et demoiselle. Entendons-nous, elle n'avait tout de même aucun droit au titre de rosière. Ben, dame, ça se comprend, 19 ans, en pleine santé, toute rose et fraîche, savoureuse comme un fruit mûr, et si jolie avec ses grands yeux bleus, langoureux, et sa longue chevelure blonde, dont les torsades épaisses semblait la coiffée d'un casque d'or. Nini casque d'or. Exactement. Mais attention, il ne s'agit nullement de la fameuse casque d'or. Celle-ci devait emprunter son surnom à mon roman. C'est trop d'honneur. Cela précisé, nos blanchisseuses allaient à tour de rôle apporter son linge au mystérieux Jules Blanchon. Le sphinx restait froid, muet, impénétrable, très correct dans sa politesse. On n'est pas des putains, bien sûr, mais on n'est pas des bégueules. Oh, faut avouer que c'est vexant d'aller chez un beau monsieur, un peu trop correct. Bah, sans compter qu'on n'est pas plus déjetés que les autres, malgré qu'on soit des ouvrières qui s'échinent à turbiner. Oh, avec ça, t'es duchesse, il n'y a pas plus de tétons et de fesses que sur ma main. On fait de pleutin, il aime que la soie et les falbalas, c'est Nini, elle, pratiquait la sélection. Jamais intéressée, toujours par Béguin, et uniquement pour les hommes d'une classe supérieure au milieu dans lequel elle avait toujours vécu. On aurait dit qu'une force inconsciente la poussait à s'élever. Phénomène d'atavisme, peut-être, en vertu duquel Nini, sans qu'elle s'en rendît compte, cherchait à remonter jusqu'au niveau social d'où elle tirait son origine, ce qui était possible. Elle n'avait jamais connu son père. Sa mère, établie gantière, dans un chouette passage, était devenue enceinte pendant l'exposition. Elle mourut à l'hôpital, et comme il n'y avait pas d'argent pour la faire enterrer, elle servit au carabin, à l'école pratique. Cher à canon, cher à patron, cher à plaisir, cher à scalpel, c'est la vie et la mort des pauvres bougres et bougresses dans cette jolie carne de société fin de siècle. Nini en pinçait et grippelait dur pour le soi-disant Jules Blanchon. Justement, le lundi suivant, elle devait lui porter son linge et elle se promettait bien d'être plus mariole que les copines. En entrant chez Jules Blanchon, elle lui lança, en le regardant bien en face de ses yeux vifs, provoquants et tendres, légèrement moqueurs aussi... Monsieur le prince, je vous apporte votre linge. Comte, simplement. Il est évident qu'en laissant ces marques héraldiques, on devinerait un jour ou l'autre. Bon, tout cela n'a guère d'importance. Savez-vous, fine mouche, que vous êtes une fort jolie fille, appétissante à souhait, et je m'y connais. Et la fraîcheur de votre jeune minois, si joli, si attirant... Les secousses violentes de sa chute morale, la honte, le crime, la boisson finissaient, comme cela arrive toujours, par exaspérer ses sens un peu blasés. Il redevenait jeune, ardent, d'une ardeur violente, presque féroce, dans laquelle il y avait comme une révolte contre le destin, contre la nature, contre la société, contre tout. Nini ne raisonnait pas tout cela. Elle se trouvait en tête à tête avec un homme qui lui plaisait, et chaque fois que cela lui arrivait, il ne fallait pas insister beaucoup. Toutefois, Nini aimait bien que l'homme choisi lui fît un peu la cour. Même dominée par les sens, la femme veut, ne fût-ce qu'au moyen d'une illusion dont elle se sait dupe, parcourir quelques pages d'un roman sentimental. Dans ce préambule d'idylle, le comte de Charmeuse connaissait la chanson, paroles et musique, et la gamme ascendante des caresses troublantes. C'était le soir, par hasard, que Nini était venue chez le comte. Elle ne quitta son amant qu'au matin, pour se rendre à son travail. Monsieur le comte de Charmeuse ne se compromit guère dans ses confidences. Il était tenu, et pour cause, à la plus extrême prudence, et toujours sûr de lui-même, il se surveillait jusque dans ses épanchements. Leur liaison fut bientôt ultra connue, et comme à Belleville on est un peu serré les uns sur les autres et que tout le monde se cause, ceux qui turbinent et ceux qui les relèvent, truqueuses et ouvrières, on ne tarda pas à savoir que Nini était collée avec un comte qui vivait mystérieusement dans le quartier. Et je parie qu'on la surnomma la comtesse. Et bien entendu. Revenons à Jean Robin. Le temps qu'il n'employait pas à ses recherches toujours actives, énergiques, âpres, tenaces, mais aussi hélas toujours vaines, Jean Robin le passait auprès de sa charmante et tendre Adrienne. Tu m'aimeras toujours, mon Jean adoré. Tu seras toujours tout à moi, comme je serai toujours tout à toi. Comme je le suis, comme je l'ai été. Toujours ? Moi, ne plus t'aimer. Mon aimé n'est pas de ses pensées. Pour moi, l'éternité du paradis, c'est l'éternité de notre amour. Et pourtant, mon Jean bien-aimé, pardon, mais je crois parfois que tu m'aimerais mieux si elle était là, notre enfant, notre rose aimée. Pauvre petit ange. Je t'aimerais mieux, dis-tu, si elle était là. Mais elle est toujours là, entre nous, invisible et présente, car sa pensée ne nous quitte ni l'un ni l'autre. Tu ne sais pas. Je n'ai jamais osé te le dire. Quand je sors, que je vois un objet quelconque qui me plaît pour ma fille, je suis folle, je l'achète. J'ai là-haut une pièce qui est pleine de costumes pour elle. Il y a aussi des poupées, des beaux livres pleins de belles images. Tu comprends? Si nous la retrouvons, elle n'aura qu'à venir ici, tout de suite. Elle aura ses jouets, sa chambre. Je suis heureuse. Quand je me rends chaque jour avec Hélène, elle est devenue une amie chère et dévouée à la crèche que nous avons fondée, elle et moi, à Vaugirard, la crèche Rose-Aimée. Oui, parfois je suis heureuse auprès de ses petits, et triste parfois. Il m'arrive de penser avec des frissons que notre chère Rose-Aimée a peut-être été moins favorisée que ses petits malheureux, que je dorlote comme une mère. Pas même un orphelinat banal, une crèche pour la recueillir. Le ruisseau, avec au bout, peut-être la fosse commune. Ma chérie, ma femme, comme je comprends ton cœur de mère adorable et divin. Ma chérie, nous la retrouverons, notre rose aimée. Et la vision mélancolique qui vient à présent mouiller tes yeux de larmes se changera en une triomphante et joyeuse réalité. Patron, les nouvelles ne sont pas folichonnes. Ragdal demeure introuvable. Sa femme y t'aime. À son dernier logement, place d'Encourt, personne ne sait ce qu'elle est devenue. Et le comte de Charmeuse, toujours inconnu au bataillon. Ajoutez à cela nos échecs dans les bas-fonds de New York. Et je suis désolé de vous asséner ce dernier coup. Nos recherches, opérées par des gens sûrs et dévoués, aboutissent dans l'East End et dans l'Hudson. Comment ça ? Au courrier d'aujourd'hui, d'abord le fac-similé fourni par la police d'un message signé Ragdal qu'il avait laissé avec Sehard dans le Garni Bong où il vivait. Je mets fin à mes jours, poussé à bout par la misère et dégoûté du triste métier que je fais. Qu'on accuse personne de ma mort. Ce que confirme cet entrefilé du New York Herald de la semaine dernière. Il y a trois semaines, un Français peu intéressant, connu dans le monde spécial des maisons de prostitution sous le nom de Ragdal, disparaissait du taudis qu'il habitait dans le quartier des gens de couleur, en annonçant son intention de mettre fin à ses jours. Or, on vient de repêcher, près de Sandy Hook, un cadavre ayant approximativement séjourné un mois dans l'eau et qui a été reconnu par les habitués du Bowling Green, bar que ce Ragdal fréquentait. Cela fait 5 à 6 semaines. Il est revenu en Europe. Oui, mon cher Patrice. C'est ce qu'on appelle en français et en termes de théâtre une fausse sortie. Soyez sûr que Ragdal rentrera en scène. Le gredin a intérêt à mourir jusqu'à nouvel ordre. Lui se tuer, il s'en garderait bien. Nous n'aurons pas l'ingénuité de croire à ses remords, encore moins à sa misère, car j'ai peine à croire que les 800 000 francs de Marie Chabanais soient déjà mangés. Je me pose cette question à la Talleyrand. Quel intérêt, diable, peut avoir Ragdal à mourir en ce moment? Croyez-moi, il vit. Il a trop d'intérêt à vivre. C'était Les Bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stein, d'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 13e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand, et Dominique Paturel, Ragdal, Roger Mollien, Roger de Charmeuse, Marianne Épin, Julie, Monique Thierry, Adrienne, Pierre Constant, Jean Robin, Claude Nicot, Monsieur Chabanet, Pierre Delbon, Patrice Guéry, Manuel Duxet, Tommy Turnip et René Renaud, le journaliste. Avec la participation de Vera Feder, Lisette Lemaire, Marguerite Cassan, Chantal Garrigue, Marie-Ange Gardien, Agnès Viala, Martine Régnier. La rue Saint-Vincent par Francine Bouffard. Au piano, Roger Pouli, Jean-Paul Charlap au banjo. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Maurice Biard. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Les 12e et 13e ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 15 et 16 septembre 1981. À suivre et d'ici là à réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture, ces épisodes et les épisodes précédents.